بسم الله الرحمن الرحيم. طيب امس اخذنا باب المفتي والمستفتي. Nous avons appris à savoir des bases sur le fait de faire des fatawa et comment les poser, comment demander ces fatawa. ثم قال باب الاجتهاد. الاجتهاد تعريفه الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك امر شاق. Le fait de fournir des efforts pour atteindre une chose difficile. وَاصْتِلَاحًا بَذْلْ الْجُودِ لِإِدْرَاكَ حُكْمٍ شَرِعِي. Le fait de s'efforcer pour atteindre et pouvoir appliquer un jugement shari'i selon les connaissances que la personne aurait. قَالَ وَالْمُجْتَهِدْ مَنْ بَذَلَ جُهْدَهُ لِذَلِكَ. C'est celui-là le mujtahid. Celui qui a des éléments avec lui lui permettant de fournir les efforts nécessaires pour réunir les indices et les adillah adéquates pour en tirer un hukm shari'i authentique. Donc là, on parle du mujtahid, le alim mujtahid. On ne parle pas du mujtahid, celui qui fait des efforts, dont on a bel ilm ou kaza ou kaza. Ça, c'est autre chose. C'est un autre sens. Il y a des gens, tu peux dire, il faut des mujtahid dans différents abouab. Il faut l'aide au travail des mujtahid. Foulain dans l'ibada, il est mujtahid, c'est-à-dire qu'il fait des efforts, il s'efforce. Foulain dans la bain du mujtahid, on ne parle pas de cela. Nous, on parle du al mujtahid, c'est-à-dire celui qui atteint le stade de l'ijtihad, qui peut déduire des ahkam shari'iyah de lui-même. Biznillah ta'ala. Shurut l'ijtihad, ses conditions. L'ijtihad est shurutun. Minha, an ya'lam min al-adillati shari'iyati ma yahtaju ilayhi fi ijtihadihi. كآيات الأحكام وأحاديثها. Qu'il ait les connaissances des adilla shari'iyah dont il a besoin pour son ijtihad, comme les versets qui contiennent les règles ainsi que les ahadiths. ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. Qui sont en mesure de pouvoir connaître le niveau d'authenticité d'un hadith ou de son niveau de faiblesse en connaissant l'isnad, le chaîne de narration, ainsi que ses hommes et autres. Et il est en mesure de pouvoir dire si ce hadith, selon lui, est authentique ou faible. Ouraïl Zalika. De lui-même. Thalithan, an ya'rif al-nasikh wal-mansukh wa mawaqi' al-ijma' hatta la yahkuma bi-mansukhin aw mukhalifi lil-ijma'. Qui connaissent l'abrogeant de l'abrogé, qui sache où est-ce qu'il y a des ijma' à tel endroit. Là, il y a un ijma, là, il n'y a pas ijma. Pour ne pas, mathalan, juger avec un dalil mansour qui s'oppose à un ijma, mathalan. Rabi'an, an ya'rifa min al-adillati ma yakhtalifu bihi al-hukm min tahsis ou taqyid ou nahwihi hatta la yahkuma bima yukhalif dhalika. Qui connaissent également dans l'adillah les différences qu'il y a entre eux. Entre le mathalan, ce qu'on a appris au début du livre, c'est quoi un tahsis? C'est quoi un taqid? C'est quoi, mathalan, le ta'wil? Et autres. Pour ne pas qu'il émette un jugement également erroné. Khamisan, an ya'rifa min al-lugha wa usul al-fiqh ma yata'allaqu bi dalalati al-alfaz. Qu'il ait un niveau linguistique en langue arabe suffisant dans le usul al-fiqh pour pouvoir savoir les sens réels des termes employés. Quand il voit un mot, c'est ce qu'il veut dire. Ou les phrases kazalik. On peut en déduire, quand même qu'au début, dans le kalem, l'insha, le khabar, le am, le nahi et autres. Quand il lit en langue arabe, il arrive à voir les termes. Et qu'est-ce qu'ils indiquent ces termes? Kazalik, kal'am, wal-khas, wal-mutlaq, wal-mukayyid, wal-mujmal, wal-mubayyin, nahu zalika liyahkuma bima yattaqtadihi zalika ad-dalalat. Également dans ces termes, il arrive à reconnaître c'est quoi? Un terme qui est am. Un terme qui est khas, un terme qui est mutlaq, un terme qui est muqayyid, un qui est mujmel, et autres, tout ce qu'on a pris au début. C'est-à-dire, il arrive à distinguer. Ça, c'est am, parce que kaza et kaza et kaza. Ça, c'est khas, parce que kaza et kaza et kaza. Il distingue tout de suite. Sadisan, an yakun indahu kudratun yatamakkanu biha min istinbat al-ahkam min adillatiha. Qu'il ait une faculté à pouvoir, déduire les ahkam depuis l'adil. Il a un dalil, il arrive à en sortir les ahkam de façon authentique. C'est pour cela que celui qui est mutamakkid dans le fiqh, sur des bonnes règles, des bonnes bases, ça, il y arrive. Comme on avait dit au début, la fatwa, la fatwa ou les alika, celui qui n'a pas étudié au sous le fiqh, il pourra pas. Il pourra pas. Il va tout confondre. يقول والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. Et cet ijtihad, c'est pas obligé qu'il soit mutlaq dans tous les abwab. Quelqu'un, مثلاً, peut avoir un niveau mujtahid dans un fun, dans une science particulière. Par exemple, dans l'aura, cet homme-là, il est mujtahid. Il arrive à un stade dans l'aura, l'aura l'arabia, qui fait que, masha'Allah, c'est un savant de la langue arabe. Dans le hadith, dans le mustalah, كذلك. Tu veux dire, Foulain, dans le hadith, c'est un mujtahid. Il arrive à un stade, مثلاً, il arrive à authentifier, à affaiblir, et à kaza. Et pourtant, dans un autre fun, il peut être plus faible. Et t'en as, ils sont complets. Dans tous les founouns, tu vois, ils sont forts. Et leur niveau d'ijtihad, il est très haut. Car le niveau d'ijtihad, il diffère. T'as certains qui sont, ont plus d'ijtihad que d'autres. T'as du ulama, ils sont des mujtahidoun. T'en as qui ont encore plus de connaissances. Donc leur ijtihad sera encore plus précis. Ils ont encore plus d'éléments en main pour pouvoir arriver au résultat. Les ulama, ils sont pas tous pareils. Donc le mujtahid, il peut l'être dans un domaine seulement, pas dans d'autres. Mais plus il a de domaines dans lesquels les mujtahid, mieux c'est. Et tu as des domaines, ils sont liés certains à d'autres. Salen Usul et Fiqh, tu peux pas être un Usuli, tu connais pas, t'es pas fort en langue arabe. Par exemple, c'est pas possible. Ou pareil, tu peux pas être ou même un fort dans le Fiqh, tu connais pas Usul et Fiqh. Tu peux pas. C'est obligé, des sciences sont liées les unes aux autres. Qala ma yalzamu al-mujtahid. Qu'est-ce qu'il incombe au mujtahid? يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فلو أجرا. Le mujtahid doit avec son ijtihad chercher la vérité, l'utiliser dans le bien pour pouvoir connaître la vérité, atteindre la vérité, et ensuite il juge selon ce qui lui apparaît. Et si jamais il a raison dans son jugement, il aura deux récompenses, comme dans le hadith qui va arriver. أجرون على اجتهاده وأجرون على إصابة الحق لأن في إصابة الحق إظهارا له عملا به. Pourquoi d'ailleurs طيب. Donc il a une récompense pour son ijtihad, l'effort qu'il a fourni. Il est récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment que c'est mukhlis dans ce qu'il fait. Et il a une autre récompense du fait qu'il a atteint la vérité. Car le fait d'atteindre la vérité, ça implique de le faire apparaître et ça implique son application. Celui qui a eu le haq, il le démontre aux gens, que les gens connaissent le haq, et en même temps, les gens l'appliquent. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَوْ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَالْخَطَأَ مَغْفُورٌ لَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَوْ أَجْرٌ فَإِنْ حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَوْ أَجْرٌ. Maintenant, si jamais il se trompe, alors qu'il était mujtahid et sincère dans la recherche du haq, son erreur, elle lui est pardonnée. Comme le prouve le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si jamais le hakim y juge, et là on vise par là le alim, qui fait un ijtihad et qui atteint la vérité, il a deux récompenses. Et si jamais il ne l'atteint pas, il n'en aura qu'une seule. De là, on déduit, des gens, ils ont fait une qaïda, qui est batila, qui est yakouloun, kullu mujtahidin musib. Kullu mujtahidin musib. Que tout mujtahid a forcément raison. On dit là, la qaïda, elle n'est pas vraie. Mais le vrai qu'il faut dire, c'est les kulli mujtahidin nasib. Les kulli mujtahidin nasib. Chaque mujtahid a une part de récompense. Car le mujtahid, s'il se trompe, est-ce qu'il est musib? Il n'est pas musib. Il a le ajr de l'ijtihad qu'il a fait, mais sur le résultat, il n'a pas raison. Et même son erreur peut être grave. Ça dépend. Son erreur peut être grave. Donc on ne va pas dire qu'il est musib. Par contre, ça veut dire quoi, nasib? Il a une part de récompense. Pourquoi? Pour l'ijtihad qu'il a fait. Donc tout mujtahid, il est un nasib. Il a une part de récompense. Mais est-ce qu'il est musib? Là, il n'est pas musib. La vérité n'est qu'une. Il n'y en a pas deux. Ça rentre dans le khilaf qu'on a dit, la forme de khilaf, khilaf tazad, où les adilais s'opposent, celui-là on le blâme. T'as le khilaf afham, où le dalil, chacun le comprend de façon différente. Et t'as le khilaf tanawa, c'est-à-dire un même dalil est applicable de façon différente. Ça, on en a déjà parlé. Que chacun a vu un même dalil, il l'a compris de façon différente. Est-ce que les deux auront raison? Non. Par contre, à quel moment les deux peuvent avoir raison? Dans Tanaawa. À même dalil, il est applicable de différentes façons à différents moments. Il y a un alim, il a vu un hadith, il a dit ce hadith-là, c'est à tel moment qu'il se fait. L'autre, il a dit non, c'est tel moment. Et un troisième, il a fait non, c'est à tel moment, et à tel moment aussi. Car on a un autre hadith qui prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, et également, il a fait cela. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et c'est un khilaf où on ne blâme pas l'opposant. On peut naqasha avec lui, qui est convaincu que son avis n'est pas correct, mais si jamais son avis, il a un wajj, et que lui, il est convaincu de son avis, taïb. Par contre, khilaf et tazad, où il s'oppose à un dalil clair, net, il fait un ijtihad alors qu'on a un dalil clair, on dit, t'as pas d'ijtihad à faire là. Le dalil est wadih. Et là-dessus, s'il continue, persiste, il est blâmable. Et on le réfute. Qal, وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْحُكْمُ وَجَبَ عَلِي التَّوَقُّفُ وَجَازَ التَّقْلِيدُ حَيْنَ إِذِينِ الدَّرُورَ. Et si jamais maintenant, au final, dans son ijtihad, il n'a pas, il n'arrive aucun résultat, il n'a pas trouvé le hukm shal'i, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abstient. Il dit Allah a'lam. Et lui dit à ce moment-là, il lui permet de faire le taqlid. Et là, à ce moment-là, en réalité, c'est pas le taqlid, comme on va le dire. Tout simplement, c'est, il rapporte la parole de quelqu'un d'autre. C'est pas un taqlid, ça. Mafhoum al-ijtihad. Donc maintenant, il faut que les gens, ils arrivent à savoir c'est quoi un mujtahid. Man al-mujtahid. Wa man laysa bi-mujtahid. Et beaucoup de gens aujourd'hui, eux-mêmes sont ignorants, se permettent de savoir qui est le savant, qui est le grand savant, qui est le allama, qui est le muhaddith. La personne est devant toi, tu n'as pas étudié, tu sors plein de règles, t'es impressionné, tout ce qu'il dit c'est faux. Comment tu sauras savoir si c'est vrai ou c'est faux? Tu pourras pas le savoir. Mais t'en as des gens aujourd'hui, les gens, ils ont tendance, dès qu'il y a un cher qui débarque, un nouveau, je sais pas ce qu'ils ont, ils le gonflent, ils le mettent à un niveau, et ils sont même pas capables de savoir s'il a raison, s'il a tort. Ils savent pas, ils n'arrivent pas à distinguer. Le la y'alim, mais l'alim, il est l'alim. Il y a qu'un alim qui peut dire que c'est un alim. Si t'as un alim, t'es devancé, un vrai alim, qui a du war, et qui est véridique dans son ta'dil, son jar, qui te dit que c'est un alim, khalas, t'acceptes. Mais de toi-même, tu peux pas dire que c'est un alim. Tu ne peux pas, t'as pas le mustawa. Thumma qala at-taqlid. At-taqlid, qui est le fait de faire un suivi sans preuve. Ta'rifuhu التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. Linguistiquement parlant, c'est le fait de s'accrocher, مثلا, une chose autour du cou, comme un collier. واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. Et on peut rajouter بدون حجة. C'est le fait de suivre quelqu'un dont la parole n'est pas un argument. Et tu le suis sans argument. Car اتباع tout seul, ça suffit pas. Lui, c'est pas une hujja, mais il en a une avec lui dans ce qu'il dit. Donc tu vas le suivre à ce moment-là. Mais là, il faut rajouter, bidoun hujja. Tu suis quelqu'un dont la parole n'est pas une hujja, et tu n'as pas de hujja pour le suivre dans ce qu'il dit. Hadha akmal. Fakharaja bi qawlina man lisa qawlu hujja ittiba' an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ittiba' al-ijma' wa ittiba' as-sahabi. Idha qulna inna qawlahu hujja فليسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لانه اتباع للحجه لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. Donc maintenant il dit, il t'exclut par notre parole celui dont la parole n'est pas une hujja, celui exclut qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa parole c'est une hujja, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Que aujourd'hui il existe des ulama de la sunna qui disent que le code du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faut un argument pour l'accepter. Franchement, il a dit, Okul Akhi, je sais pas ce qui s'est passé. Si l'alcool avait été permis, j'aurais dit, tu as bu, pour dire une parole pareille. Mais, il y a des gens, ils se permettent de dire des choses, t'as adjab. On dit que le, n'accepte pas le coup de Nabi Sallam, c'est avec une hujja. Ben, le Coran, tu vas le délaisser aussi en faisant ça. Parce que le hadith, il explique le Coran. Le hadith, explique le Coran. Donc ça veut dire, quelqu'un, il veut faire 5 salawat, 5 par jour. S'il n'accepte pas le code du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sans dalil, dans le Coran, c'est pas écrit qu'il y a 5 prières par jour. Comment tu fais à ce moment-là? Est-ce que ça te paraît réfléchi comme raisonnement? C'est complètement absurde. Et c'est aussi absurde que celui qui le dit. Celui qui dit cette parole-là, c'est un imbécile. C'est un safi. Wallah. Et celui qui le croit, asfah minhu. Encore plus idiot. Donc, le code du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hujja. Qati'a. Bien sûr, si le dalil est authentique. Bien évidemment. Si le hadith est authentique. Également, est exclu par notre parole le suivi des gens de l'ijma. Quand il y a un ijma, on le suit. Et également, cela inclut le suivi du sahabi. Pour ceux qui disent que le code du sahabi, c'est une hujja. Ceux qui voient que le code du sahabi, c'est une hujja, avec les conditions, c'est-à-dire que personne de son code ne s'oppose pas à un texte, et qu'aucun autre sahabi ne l'est blâmé, eh bien, ils voient que c'est une hujja. Tamam? Qala muwadhi' at-taqlid. À quel moment le taqlid se fait? Yakunu taqlid fi muwadhi'ain. Dans deux situations. Al-awwalu an yakuna al-muqallidu amiyan la yastati'u ma'rifata al-hukm bi nafsihi fa farduhu at-taqlid. Liqouli Allah ta'ala fas'alu al-dhikri in kuntum la ta'lamun. ويقلد افضل من يجده علما وورعا وان تساوى عند اثنين خير بينهما. Donc le premier cas pour qui le taqlid se fait, c'est pour le ammi, la personne du fait partie des gens de la masse, du commun, qui est pas un talib, qui n'a pas étudié et qui n'est pas derrière la recherche de la science. Un ammi, c'est quelqu'un qui a une négligence dans la recherche de la science et même dans l'application. Et le ammi peut être considéré comme étant neutre. Il peut être ammi salafi, ça peut être ammi soufi, ça peut être ammi ikhwani. Ça dépend des gens vers qui il revient. Le ammi qui revient vers l'ikhwan, qui dit eux, ce sont c'est le ulama, c'est le kardawi, le côté foulen, le foulen de foulen. Lui, on dit que c'est un ikhwani. Même si c'est un ammi, c'est un ikhwani. Donc ce ammi n'est pas en mesure de connaître les jugements par lui-même. Donc à ce moment-là, il y a des ulama qui disent que lui, il fait du taqlid d'un alim qui choisit. C'est par exemple sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il dit et demandez aux gens du zikr si vous ne savez pas. Donc, il imite le savant qu'il voit comme étant qui a le plus de science et qui est le plus pieux à ses yeux. Si jamais il voit d'autres savants qui sont au même niveau de piété et de science, il choisit celui qu'il veut entre eux. Là, je te donne le col du chien. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'il dit forcément. La masala, il y a un khilaf dedans. Et deuxième situation, an yaqa' al-mujtahid hadithatun taqtadi al-fawriya la yatamakkan min an-nazar fiha fayajuzu lahu at-taqlid hina idhin. Deuxième cas de figure, là pour le mujtahid, dans une situation urgente, qu'il n'a pas le temps de faire un bahth, une recherche. Donc à ce moment-là, il lui permet de faire le taqlid d'autres personnes qui, eux, ont déjà émis un hukm dans cette mas'ala. Et là, comme on l'a dit dans le bab précédent, en réalité, comme l'a dit Cheikh Fath al-Qadassi, c'est pas du taqlid, ça. Là, c'est naql al-fatwa. Il rapporte la fatwa de quelqu'un d'autre, il l'applique. Et la fatwa de quelqu'un d'autre, elle aura un dalil avec. Lui, juste, il aura pas pu le vérifier, est-ce que le dalil lui correspond, c'est tout. Mais c'est pas comme si un alim l'a dit, fais telle chose sans dalil, il le prend. Non. Un mujtahid, il va forcément regarder, mais pourquoi il a dit ça? Après, peut-être qu'il aura pas le temps de voir si le hadith sur lequel il se base, il est authentique. Ou ce genre de choses. Et il y en a, ils appellent ça également, comme on va le citer après, Akhd bil khabar al-thika. Tu prends l'information qui provient d'un thika. Comme dans le ilm du hadith. Quand les ulama ils font des hukm sur des hadiths, tu connais pas toi. Tu te dis, moi je prends le khabar de un tel car il est de confiance pour moi. Il est de confiance pour moi. Qala wa ishtarata ba'dhum li jawaz at-taqlid an la yakuna al-mas'ala min usul ad-din. التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. Ils disent que certains, ils ont permis le taqlid à condition que cela ne se fasse pas dans la aqida ou dans les choses qui sont liées au usul du din. Car ces choses-là ont besoin de certitude. Le taqlid, lui, ça n'amène qu'à une opinion. Quand tu as suivi quelqu'un, tu dis ça la vérité, tu dis je sais pas, j'ai fait comme l'autre, il a fait. Il ne pourra jamais te dire c'est ça la vérité. C'est sûr, il ne pourra pas te dire. Il pourra te dire, moi j'ai entendu Cheikh Foulane le dire, donc je prends son call. Donc il réalise que ce qu'il dit, ce n'est pas un argument. T'en as, il réalise, et t'en as pour qui? Non, c'est un argument. Cheikh Foulane l'a dit, c'est sûr, c'est comme ça. Et celui qui est de moindre degré va dire, moi je ne connais pas, mais Cheikh Foulane, je sais que je fais confiance, c'est un savant de haut niveau, j'ai toujours vu de lui du bien, et la plupart de ses akwal, elles sont dans le haq, je prends son calme. Ça, c'est déjà, tu vois. Ahsan. Parce que lui, si jamais tu lui exposes le kalam de quelqu'un d'autre, il ne va pas être fermé. On dit, moi, je sais pas, moi, j'ai juste pris le cours de Cheikh Intel, mais tu me rapportes ça, je regarde, c'est vrai que ce cours-là, il est convaincant aussi. Mais t'en as, ils disent, non, c'est Intel, tu rapportes quelqu'un, non, je veux personne d'autre. Comme l'Assad de Mazahib, je ne veux personne d'autre. C'est mon cher, je ne prends que de lui. قال الراجح ان ذلك ليس بشرط لعموم قول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والايه في سياق اثبات الرساله وهو من اصول الدين ولان العامي لا يتمكن من معرفه الحق بادلته فاذا تعذر عليه معرفه الحق بنفسه لم يبقى الا التقليد لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Donc lui dit la parole la plus juste pour lui, c'est que cela n'est pas une condition. Le taqlid même peut ça même dans les choses touche au soul et à l'aqida. Car dans le verset, il dit que ce verset, il affirme à Risa'ala le message, et ces choses-là font partie de soul et de djinn. Là, j'ai pas bien saisi où est-ce qu'il voulait en venir. Et que le ami, c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure de pouvoir connaître la vérité par ses adillah. Donc, il est excusé de faire cela par lui-même, donc il est obligé de faire le taqlid. Se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit « Fattakullah mastata'atum » et craignez Allah autant que vous le pouvez. Et là, ce cours-là, Kazalik, le col de Chamourbil et d'autres, il est plus qu'oui. Lui, là-bas, Chamourbil, il ne voit pas Taklid. Il est comme les Zahiriens, il ne voit pas Taklid. On va en reparler après. Toujours est-il que dans la Aqidah, ce cours-là, il a des Adillah qu'il khalaf. On les cite à chaque fois. Si Chamourbil nous a fait profiter de ce kalem-là, dans les audios qu'on a écoutés. Dans le cours, d'ailleurs, il a un bœuf dans son kitab Jami' al-Sahih. Hein? Dans Zem et Taqlid, le blâme de Taqlid, il donne le hadith, justement, de la question dans la tombe. Quand les deux anges vont venir, Man Rabbuk. Le Mouafak va dire Rabbi Allah. Man Nabiouk va dire Mohamed. Madinouk, quand est l'islam. Et le Mounafiq, on va lui poser la question aussi. Man Rabbuk. Il va dire Ha ha ma adri. Samiatul Nas kalu shi'en fakultuhu. Il dit je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose, donc j'ai dit pareil. Qu'est-ce qu'il a fait? Taqlid, sans dire tchakod. Donc là, ça rode à ce kalem-là. Que même dans l'aqidah, il faut que tu sois la yakin. Ça veut dire quoi? Demain, un alim te dit une chose, dans l'aqidah, tu veux dire taïb. Tu vas y croire. Sans jazm. Ça, ce qu'on a, fi nazar, kabir. La salaine, un alim, il veut te dire, Allah, les testifats, tu sens dans le dalil, tu vas croire. Tu ne peux pas croire. Maintenant, il y a des masaïls minutieuses. Là, on parle des masaïls wadiha zahira. D'accord? Quelqu'un va te dire, Allah, est-ce qu'il est demain? Il dit, naam, comment tu sais? Chef Olin qui me l'a dit. Ah bon, c'est comme ça que tu sais que, eh ben, ça c'est grave. Là, il y a juste le kalam fi haqqillah bi ghayri ilm. Et le ilm, c'est pas taqlid. Comme on a dit, wa taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc là, ça rentre dans ce bab-là. Thumma qala anwa at-taqlid. Le fond de taqlid. قال ونوعا عام وخاص عام وخاص جنرال سبيسيفيك اولا العام ان يلتزم مذهبا معينا ياخذ بلخصه وعزائمه في جميع امور دينه. Donc le premier عام, c'est le fait de suivre un madhhab dans lequel tu prends tout ce qu'il permet, tout ce qu'il interdit, et tu délaisses tout ce qu'il interdit dans toutes les choses qui touchent à la religion. Après, c'est ça que les ulama ont divergé par rapport au madhhab. Certains voient qu'il est obligatoire. Certains, quand ils voient qu'il n'y a plus d'ijtihad chez les muta'akhirin. Ils voient que l'ijtihad, c'est chez les premiers seulement. Il n'y a plus d'ijtihad après. Parce que là, il a chez qui les mardoud. Donc eux, ils disent que c'est le mazhab, c'est obligatoire. Pourquoi? Les mujtahidoun, ils sont déjà tous morts, tu dois suivre ce qu'ils ont dit. Et parmi eux, certains qui ont dit que c'est haram de prendre un mazhab. Comme les Zahiriya, Ibn Hazm, Ghayru. Pourquoi? Car dedans, tu t'imposes de suivre autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fahimt? Et quand les cheikh d'islam, inna fi qawl bi wujub ta'ati ghayri nabi sallallahu alayhi wa sallam fi kulli amrihi wa nahihi au khilaf al-ijma' wa jawazuhu fihi ma fihi. Donc cheikh d'islam dit, justement, que celui qui impose de suivre un mazhab, c'est-à-dire d'obéir à autre que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela s'oppose clairement à l'ijma. Et celui qui voit, mathalen, que cela est permis seulement, c'est-à-dire d'oublier autre que lui, il dit, c'est un kalem, fi ma fi, c'est-à-dire c'est discutable. Cheikh Islam, à la base, lui, il a évolué sur le mazhab Hanbali, Mais il prenait le dalil. Il prenait le dalil. S'il y avait le haqq avec, dans le mazhab Shafi'i, il le suivait. S'il y avait le dalil avec Abu Hanifa, il le suivait, ainsi de suite. Ou s'il y avait le dalil avec quelqu'un d'autre qui était autre qu'Al-Ma Arba'a, car des fois, l'Aïma Arba'a avait un call, les quatre étaient unanimes sur une masala, et l'autre avait un autre call, et c'est lui, l'autre qui avait raison. Par contre, il dit, par la suite, le Cheikh Islam, que celui qui s'impose un mazhab particulier, et ensuite il se met à s'opposer à ce mazhab-là, sans argument, par le call de notre alim, Mujtahid, il s'en excuse Shadi pour faire ce qu'il fait, lui, c'est ses passions. Car il joue, en fait. Il dit, moi, je suis, مثلاً, Shafi'i, clairement Shafi'i, et après, il fait des choses qui s'opposent au mazhab Shafi'i, sans avoir pris le call de quelqu'un d'autre avec le dalil. Il dit ça, ça c'est Ittiba al-Hawa. Tu suis tes passions à ce moment-là. Maintenant, le call par rapport au tamadhub, on en parle souvent, le taqlid du Ammi, Ibn Hazm dans Ihkam al-Ahkam, par rapport au ulama qui voit qu'il faut faire le taqlid quand tu ne sais pas, c'est-à-dire tu vas demander le alim, se basant sur le verset, face elle ou elle est victime contre le ta'lamoun, il a dit, ces gens-là, ils ont appliqué le verset à l'opposé du maqsoud. Le maqsoud du verset, c'est pas ça qu'il veut. Il a dit qu'à Allah, il demande de demander aux gens du zik, c'est-à-dire qu'on leur demande le zik. C'est-à-dire quoi? Le dalil. Pourquoi ils ont été particularisés par le zik? Pour qu'ils te le donnent. Comme Cheikh Abou Ham, il l'a dit, Allah n'a pas dit, il salue le ulama fakat, mutlaqan. Elle est zik. C'est-à-dire quoi? Elle est zik. Qui te rappelle. Comment il te rappelle la chose? Par le dalil. Donc, Ibn Hazm me dit, comment la plupart, ils ont vu ce verset-là, cette compréhension, elle est fausse. Et franchement, ce coup, il est corrigé d'un. C'est le coup qu'ici aussi, voit Cheikh Mokbil, par rapport à ça. Donc, le taqlid, on le dit, on le répète. En quoi, Ammi n'est pas en mesure de demander un dalil? Ça, c'est, il y a des masses, mais elles sont sorbes. Même pour le temps, elles sont sorbes, à comprendre. Mais demain, Ammi te demande une chose, est-ce que telle chose, c'est halal, c'est haram? On dit haram, on va dire pourquoi? On peut pas dire pourquoi? Le alim le dit, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kaza khalas. Là, ils sont dalil, c'est tout. On ne demande pas qu'il le mémorise. Ou quoi? Après qu'il fasse un bar, est-ce que le hadith est authentique ou pas? Le alim, il a dit le hadith, alhamdoulilah, c'est déjà un khayr. Tu vois? Il dit, مثلاً, le hadith, rawa Bukhari, rawa Muslim. Et bien évidemment, on parle d'un alim qui est mujtahid, mutamakkin. Il n'est pas parti voir les nouveaux mouachers, là, fabriqués en usine, qu'on ne sait pas d'où ils sortent. C'est quelqu'un, il est connu. Quelqu'un, il est connu. Il va pas voir le premier venu ou l'imam de la mosquée à la fin, comme on l'a dit hier. Bonjour, monsieur l'imam, je veux savoir faire telle et telle chose. Il dit non, t'as pas le droit. D'accord, je m'en vais, il s'en va. Hier, on a pris les shurut du mufti. Donc, ce mufti, tu veux pas demander à n'importe qui. Il y a des masahil, non, tu peux demander à des gens qui sont en dessous d'un niveau de mufti am ou quoi. Les masahil, elles sont sahles, là. Tu peux demander même à des frères qui ont un peu plus avance dans la religion. Tu connais un frère qui a un peu étudié, qui a un petit niveau ou quoi, tu peux poser des questions sur les choses qui sont simples. Mais là, chèque. Pas même. Mais des masaïles importantes, ou même tu n'as pas envie de demander à un, toi, tu demandes à un alim directement, tu le fais, mais à ce moment-là, tu ne demandes pas à n'importe qui. Tu ne demandes pas à n'importe qui. Et après, comme on a dit hier, fatwa, différentes fatawa. Et le call, par rapport à ta madhhab, le fait de s'imposer un madhhab, c'est un call, il est baraté. Mais là, chèque. Tu t'imposes un madhhab. Ça, c'est un coup de bid'a. Quand tu t'imposes de suivre autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le tamadhub, ce n'est arrivé qu'après les trois siècles. Les sahaba, les tabi'in, ou adba'a tabi'in, le tamadhub, ils n'ont pas connu ça. Et nous, on se dit quoi, salafi ou pas? On dit salafi, il me semble. Donc comment se permettons d'avoir un coup pareil, de dire salafi, et de venir avec une chose qui est arrivée après eux, et que eux-mêmes n'ont pas fait? Les plus grands imams dans le hadith ou autre dans l'époque des salafs, ils n'avaient aucun mazhab. Les Ashab Kutub al-Sitta, ils n'avaient pas de mazhab. L'imam Bukhari, il n'avait pas de mazhab. L'imam Muslim, il n'avait pas de mazhab. C'était pas un Hanbali ou un... Ils n'avaient pas de mazhab. Les Sahaba, ils n'avaient pas de mazhab. Comment on vient aujourd'hui, on s'impose aussi le mazhab de quelqu'un? Mais tu as déjà dit, c'est wajib d'avoir un mazhab. Là, c'est bidah. Il y en a même un, il s'est permis de dire quoi? Que 99% des fitans qui touchent la Ummah à cette époque, c'est le fait d'avoir délaissé les mazahib. Ça veut dire là, c'est-à-dire quoi? Ça parle, c'est un kalam, il est grave. Et en plus, c'est quelqu'un qui se vante de dire cela. C'est un kalam qui est grave. Ça veut dire que Allah nous châtie parce qu'on ne suit pas un madhab. Parce que les fitnes, elles viennent comment? C'est un châtiment. Ça veut dire que le suivi d'un madhab, c'est un wujub. Et le wujub, ça vient d'un dalil. On a pris quoi au début? Le wajib. Man fa'alahu fa'iluhu yu'thab imtithalan. Celui qui le fait, le wajib, il est récompensé s'il le fait par obéissance. Yastrik al-iqab, il est tarakahu. S'il ne le fait pas, il mérite un châtiment. Donc, si Allah te punit, t'as pas pris un madhab, c'est-à-dire que c'est un wajib. Dites, hâte dalil du Quran de la Sunna, que c'est un madhab, c'est un wujub. T'en auras pas. Donc, ton col là, c'est un col qui est bidayi. Mais là, chèque. Et ceux qui ont imposé de prendre un madhab, c'est un col, il est mubtada. Et t'en as, ils ont pris un madhab, ils n'ont pas imposé aux autres. Ils ont dit, cela t'est permis si tu veux comprendre, c'est une forme de moyen pour te permettre de comprendre les arkham. Mais si tu le fais pas, c'est mal, ma filo ma'alik. Et maintenant, aujourd'hui, tu dis, c'est l'azim, faut que t'aies un mazhab. Si t'es pas un mazhab, on dirait que t'es un zindik. Hein? Ces gens-là, là, eux, akrab lil bid'a min ghayrihim. Et t'en as, ils disent salafi, ils ont ce call-là. On dit, ton call, c'est pas un call salafi. Abadan. Donne-moi des ashabs de salaf qui ont dit cela. Les aïma des mazhab eux-mêmes ont dit que personne ne doit nous suivre aveuglément. Eux-mêmes, ce sont les premiers à blâmer cela. Et les gens, ils le suivent quand même. Et t'as d'autres gens à leur époque où avouer qu'il y avait des mazahib aussi. Seulement, Allah il a fait que ces quatre-là seulement ont été les plus connus à notre époque. T'en avais d'autres qui avaient des mazahib. On réalise les cas. Donc ce call-là, c'est un call min gharaib adazzaman. Oh, hatta qadim. Et le tamazoub, ça a fait beaucoup de fitan, de fourqa dans la umma. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on le dit, le fait de ne pas suivre un mazahib, ce n'était pas un temps dans les a'imma. Sûrement pas. Au contraire, on a plus ce qu'ils veulent de nous. On prend leur call, les mortabars sont des aïmma, on les aime, uhibbuhum fillah, mais c'est pas pour autant qu'on va s'apparenter à lui et porter son nom. Ça, non. Si on devait porter le nom de quelqu'un, on porterait le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu parmi les créatures. Chose qu'on ne fait pas. On va le porter pour quelqu'un d'autre. Et on aurait porté le nom des sahaba avant cela. On l'a fait ou on ne l'a pas fait? Wallah musta'an. Thumma qal, fatwa al-muqallid. La fatwa du muqallid. Qala ta'ala, fas'alu al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Le verset. وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما وتابع لغيرهم. Donc les gens du zikr, ce sont les gens du ilm. Et le muqallid, lui, n'est pas une personne de science. C'est juste un suiveur. Et rapporté à l'ijma' de Ibn Abdelbar, qui dit que أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوما من أهل العلم. Le Muqallid ne fait pas partie des gens de science. Ibn Qayyim, il a confirmé ce qu'on l'a. Et je dirais même que Cheikh Mokbil, lui, il a dit que le Muqallid, c'est pas un salafi. Il vise quoi par là, comme Muqallid? Celui qui suit les gens comme ça. Il parle de quelqu'un, il cherche même pas à savoir Dalil, il suit ce que les gens disent. Il dit, lui, c'est pas un salafi, parce que les salafs, c'était pas leur mazhab. Les salafs eux-mêmes, les sahaba, quand ils demandaient une fatwa à un autre sahabi, ils lui demandaient, هل سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. هو يقول سمعت أذناي ورأت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي يقول nous avons entendu, nous avons vu ce que le prophète صلى الله عليه وسلم dit telle chose. C'est le hadith. Pour te dire quoi? Il te donne le ilm. Te dis pas pour ce que je te dis. Les sahaba ont enseigné aux gens à prendre le dalil. Les salaf également. Aujourd'hui, on va arriver à dire non, on suit aveuglément. Là, c'est un col, il n'est pas marcoul. Après, si tu as les hel ou le mukallid pour faire une fatwa, certains disent que ce n'est pas permis qu'il fasse une fatwa. Car les fatwas sans science, c'est haram. Ça, c'est le col de... Ça, c'est le kalim de Ibn Qayyim qui cite cela. Après, il dit deuxième col, que ça lui est permis pour lui-même, mais pas il fait pour les autres la fatwa. Ils ont un avis pour lui-même, mais qui ne donne pas aux autres. Et troisième, dans le besoin, cela est permis, et qu'il n'y a pas de alim mujtahid qui fasse une fatwa. Et il dit que ce call-là, c'est le plus authentique. Et en réalité, le mukallid n'est pas apte à faire une fatwa. Par contre, il est apte à te rapporter une fatwa qu'il a entendue. Ça, non. À faire une fatwa de lui-même, quand il va faire une fatwa, ça, le mukallid, il ne connaît pas. Il ne peut pas. Il va parler sur Allah sans savoir. Ça, c'est haram. Donc après, il dit, وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. نعم، donc là on a fini بفضل الله تعالى ce livre. Également, comme on a dit, on matawassana, c'est une entrée dans le Mukaddima, savoir les termes, une certaine définition, une certaine masail. Maintenant, c'est un lim, un ilm, il est awsa min zalik bi kathir. Mais on a dit au début, trop s'approfondir dedans peut amener à des choses, des masail qui sont inutiles, et ça ne va rien du tout. Tu prends l'essentiel, et les ulama comme Cheikh Moubil dit, celui qui atkan al muzakkara, ba'dada khalas yakfi. Il a pris muzakkara de sous le fiqh de l'imam Mohamed al-Amin al-Shankiti. À partir de ce moment-là, il arrive à un mustawa, ça lui suffit. À la base, Muzakkira, c'est un mukhtasar de Ar-Rawda dans lequel il cite le tarjih. Non, celui qui aime vraiment cette science-là, la baisse qui revient au marajih, il les lise, mais il faut faire attention. C'est une science dans laquelle beaucoup de gens sont perdus à cause du ilm du kalem, la logique et des raisonnements hein, basés sur la réflexion et non pas forcément sur l'adillah. Naam. Fasalallah an yubarik lana fima qara'na wa fima qulna wa ma sami'na fa in asabtu fa min Allah wa in ata'tu fa min ash-shaytan wa min nafsi. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.